ils sortent des disques mais personne ne vend. L'espoir fait vivre même si tu perceras peut-être à 39 ans. C'est navrant, parfois le niveau est tellement bas que je ris. Y'a peu de concerts, l'ambiance c'est pas comme un match de foot France-Algérie. J'suis toujours algérien même si des fois je faiblis. La France est pleine de couleurs mais son rap est gris. Trop de gars est gris. Les labels sont sous HPJ que ça clash et triste. Les MC n'aspiris, regarde ça part en vrille comme au parc Astérix. Ex, fan de rap aujourd'hui déçu. J'pèse les faux rappeurs au suivant. Faites la queue le comme Bézu. J'ai gardé la veste dans le bon sens depuis le début. J'veux pas faire partie de leur piste de merde vu qu'il y a que des buts. C'est comme ça, mon rap c'est une frappe dans l'estomac. C'est une forme de stomba, c'est lyrique à coup de tomba. Ça donne ça, et j'ai pas de pommade si t'as trop mal. C'est Sly Papa, venu poser pour le poteau roi. Le rap va exploser grâce au clan des One Day. On n'est pas vu défendre les idées qui se défendent dans notre bled. En France faut qu'on reste engagé, au risque de finir sous les blé-blé. Avec les gens enragés, les risques qu'on nous ferme les portes. Je supporte pas, je peux pas soutenir ce système. Et le vrai rap est corda. Prenons la place de ces fausses vérités. Il faut dire au monde que le rap l'américain toi. J'kiche rap prod, un visage découvert d'un rap trop de merde. Donc voici le fossoyeur. Je dégaine la vérité, le rap s'est perdu. A perdu quelques valeurs, je l'ai retrouvé qui l'eût cru. Beaucoup d'MC, beaucoup de rappeurs. Le hip hop c'est la base, les artistes me font peur. Pas du neuf que de l'occasion. La musique s'est éteinte, toi j'envoie des chrysanthèmes. Des menteurs et des baltringues, moi j'envoie par centaines. Hey yo Dead, il est dead. Ce rap de merde, c'est con et le salut, c'est ne savent même pas qui se perd. Prêt à donner leur anus pour un tout petit peu de monnaie. Préfère rester dans l'ombre que finir oublié à sommet. 1, 2, 3, El Diablo, oh Will MD. Le rap à l'agonie, nous on préfère le hip hop. Wayo, c'est plus un secret, ça fait des années que l'on fait du rap. On peut plus nous sevrer du côté des damnés. Pas de ceux qui sont manœuvrés, aura pas chaîne, on vient le condamner. On va le faire crever avec des sons tarés. Vaut mieux s'abreuver d'un bon rhum à 62 degrés avant de cracher des flammes sur tous les deux traits. Vlad la rime, on a pas les fils de bon phénomène. Juste la vérité au bout de ma mine. À cœur ouvert, nos peines se résorbent quand nos rimes se dessinent. La passion nous anime, on fait ce qu'on aime, ça c'est mon hymne. Dans l'ombre on mène un combat sans fin, mais de façon anonyme. Prodigue ma triste, pseudo-artiste en quête de strass. Fais voir ce qui se passe chez nous, les plaidés, ne pas des cicatrices. Une passion commune, le même combat qu'on mène. Au nom de ma plume, je reste vrai, je n'attends pas qu'on m'aime. Pour ne plus m'entendre poser qu'il crée. Un arrêté le rap avant qu'il vienne le souiller sous les contraintes. Beaucoup sont saoulés dans ma foulée. Fallait que je parle de ces MC qui ne sont plus les mêmes dans leurs souliers. Ça dit, s'allier à un message de paix, non, je me laisserai pas duper. Beaucoup sont à la recherche de blé. Ça l'image de les voir tout isoper. J'aimerais pouvoir tout isoper. Voir honnête ces MC qui m'ont donné l'envie de gratter. Loin d'être fasciné par le folklore actuel, plus facilement influencé par une fiole que par une femme. Fin d'effroi, pas faiblard, la foi pour seul rituel. Quand il offrira la foule, le fouet pour la maintenir en forme. Ni fou ni fâche, faux quand il se fâche. Le rap fidèle et nocif, affole les flashs. Forfionné et fier, sans s'en faire croise le fer. La faillite lui est futile, la finance, il la laisse au faussaire. Bitch frappe au plexus, je frappe à la tête. Le rap c'est coréen, si t'as pas le truc, bah lâche la ferme, man. Bien plus qu'une affaire de gros souhaits de buzz. Crève l'œil de la pyramide et ses théories creuses. Je me fonds dans la masse, mais je me mélange pas. Je fais partie du jeu, mais je représente pas la minorité, mais la majorité indivisible. Passer au crible quand la France est ennuyée. Non, j'ai pas le temps de me prendre pour un autre. Ce qui fasse ma gueule, pas besoin d'envier la vôtre. On égo tu es arrogant comme Vegeta. Ces rimes n'ont pas trouvé d'autres beats, alors je les jette là. Fais du flow, fais du sang, fais de la chimie chimie yo. T'es la tumeur, je suis la chimie chimie yo. J'marque l'oreille, empereur Marc Aurèle. Je te ferai danser sur ta propre dos, châtiment corporel. Le rap n'est pas mort, laisse tomber les chrysanthèmes. Il reste le hardcore, le conscient, les cris à thème. Les MC sont partout et beaucoup craquent que la thune. On tape de la corde sous les tapettes à l'autotune. Les micros sont traqués comme les catins sur le trottoir. À trop traiter, c'est sûr comme des crétins dans le traquenard. T'es au temple sur Skyrock, donc pour toi il est trop tard. T'es trip sur ma mixtape, t'as le bonsoir de Juan Connard. Trop de rap à l'eau, de la merde qui passe à la radio. Optique brûlée, les faces B, solo ou accompagné. Clasheur indépendant, le rap c'était mieux avant. Des militants, des colonels, des sergents qui prenaient les devants. Les majors ont pollué la musique. Un peu comme un état-major venu en visite. Qui veut nous dicter ce qu'on a à faire ? dis leur juste d'aller niquer leur mère. Moi, j'ai toujours vu le rap comme un exutoire, privilégié le sens même quand les rimes pouvaient pleuvoir. Ils sont dans le noir et ne savent plus vraiment ce qu'il est plus à rapper. Ça pue la promotion canapé. Assez, pour moi c'est juste un moyen d'expression contre la répression qui soigne les dépressions. Une passion qui vire même à l'obsession. À peine fini de poser que je pense déjà à l'autre session. Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai écrit mon premier texte. Seul dans mon coin comme fille, je reste fidèle à mon contexte. Une grosse claque quand j'ai découvert les mecs de l'Ouest. J'écoute le méridien et compte bien tailler le rap grotesque. Vas-y grotesque, pour la fac n'est pas une hôtesse. Pas là pour être à l'aise, mais plutôt gêné comme une prothèse. Appelle-moi le malaise, aussi balèze qu'une falaise. Si mon crew ne vaut pas un clou, le tien vaut pas une punaise. Écriture ferme comme son poignet, à la rage soignée. Sur un bout de papier ou cahier froissé, une idée à gratter, des phases à chercher, un texte à poser, un sample à mixer, une instru à trancher, un mic et un peu de matos à brancher. En aparté, c'est parti, concept indé enclenché. De quoi te faire déchanter, vous faites enchanter. Pour la voir, le monde a tranché, dans laquelle je suis rangé. Prends la plume, les autres peu le font par conviction. Mec, je veux plus d'une raison de l'ouvrir, viens pas me faire la leçon. Sont plus d'un rappeur à brailler, sort de racaille puéril. À faire kiffer la jeunesse à tendance juvénile. Ils parlent, moi je fais, j'écris. Je dis, je compte blesser les satisfaits de cette politique. Même offenser les plus sceptiques. Ceux qui pensent que ma pratique dans le rap n'a plus sa place. J'écrirai avec espoir de le faire sortir de l'impasse. Je peux pas m'empêcher d'écrire ces phrases qui me sortent par la tête. Je me demande quand ça va finir, c'est ma drogue, faut pas que j'arrête. Je me fous du succès, j'en aurai jamais, c'est normal. Mais moi ce que j'ai à te raconter, c'est pas de la matière fécale. Le putain d'être cru et je ressens le son comme les Little. Le micro je lâche plus quand on leur en fout plein leur gueule. Mes rimes tranchent comme le sabre, rarement sommé, c'est pas grave. Votre rap me gave, il pue la gerbe comme la cartable. Hey, c'était le freestyle écho d'en bas. Avec Ritaille, le poteau slide papa de la rafale. Les Marseillais d'El Diablo Cartel avec Mike NM, Stick, Stowell Diablo. Putain de connexion hexagonale. Thomas Wax de la rafale nordique. Saïtré, Néfaste et mon frère d'armes Zindoun. Sur une prod de Mams et Bronx Beatmakers. Stephen King, Alvin de Phoenix Crew. Moi-même Juan, Lolo Sifredi et El Gaouli de Panam. Ici y'a pas de star system. Avec les poteaux de Paul Afar, Skurdor, Ricard, Selim et l'excité. Ouais, écho d'en bas.